بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. فعودة إلى ما كنا فيه وهي أصول الشرعية في التعامل مع الناس. Nous revenons au cours dans lequel on était tout à l'heure avant Salat al-Asr, qui est le fait, les règles de la législation dans le fait de se comporter avec les autres. Nous sommes dans la première règle qui est le fait comment se comporter avec soi déjà. فيقول الشيخ إن إصلاح القلب أيها المؤمن بأن يكون الله جل وعلا في قلبك أعظم من كل شيء. قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. لواحد يعني لله عز وجل وحده دون ما سواه. كن واحدا في قصدك وإرادتك وتصرفاتك، في واحد يعني في سبيل واحد غير متعدد. قال مبينا هذا السبيل، أعني سبيل الحق والإيمان. Il dit, حفظه الله تعالى, pour purifier le cœur, toi le croyant, faut savoir que ça ne se fait que quand une fois que tu vénères dans ton cœur Allah subhanahu wa ta'ala plus qu'autre chose. Pour purifier le cœur, la première étape, c'est de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et plus que tout ce qu'il y a dans ce monde, dans ton cœur. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah disait, pour un, soit un. Et pour un, soit un, c'est-à-dire pour Allah. Tu dois être pour Allah, Azza wa Jalla. Sois un, c'est-à-dire dans ta sincérité, dans tes intentions, ce que tu veux, tu le fais pour Allah. Dont un, qui est le chemin du bien, le chemin de la vérité, le chemin de la foi. فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدًا أَعْنِي سَبِيلَ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ. C'est-à-dire, tu dois être pour Allah, Azza wa Jalla. Tes intentions doivent être pour Allah, Azza wa Jalla. Et ça doit être dans la voie de la vérité. Tout ce que tu fais, ta voie, tu dois suivre une seule voie. La voie de qui? Siratullah. Siratu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tariq Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Bifahmi salafi hadhihi al-umma. La voie de qui? La voie d'Allah azza wa jal. La voie du messager alayhi wa sallam. Et la voie sur laquelle était épuisé irdou Allah alayhim. Fatkhlisu al-nafs min al-rahabi fi ghayrillahi azza wa jal. هذا أول مدارج إصلاح النفس. وإن إصلاح النفس وتزكيتها إن ذلك من أعظم المطالب، وأن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب للعبد مما سواهما. Le fait de débarrasser ton cœur et ta personne du fait d'avoir peur de qui que ce soit et que ta peur soit d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le premier degré dans le fait de purifier ton nefs. C'est-à-dire, ici, il s'agit de la peur quoi? De la peur adoration. Parce qu'il y a des peurs naturelles, il n'y a pas de problème. Ce n'est, oh, il n'y a aucun problème. Les peurs naturelles, le fait d'avoir peur du lion, le fait d'avoir peur des serpents, c'est tout à fait normal. Mais la peur du domaine de l'adoration, celle-là, il doit être pour Allah. La peur adoration, celle-là, il doit être réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le premier degré pour purifier ton nefs. Et le fait de purifier son nefs, ça fait partie des plus grandes choses que nous devons chercher. Et que Allah subhanahu wa ta'ala et que son messager alayhi salatu wasalam soit ce que nous aimions le plus dans ce bas monde. Plus que tout ce monde et ce qu'il contient. Plus que nos parents, plus que nos femmes, plus que nos enfants, plus que tout ça. L'amour d'Allah et de son messager alayhi salatu wasalam. Mais c'est facile de dire j'aime Allah et j'aime son messager alayhi salatu wasalam en prononçant comme ça. Mais comment le savoir que tu aimes Allah et tu aimes son messager alayhi salatu wasalam? Pour le savoir, un seul chemin. Il est dit dans le verset qui est le verset de l'épreuve: Qul in kuntum tuhibbun Allah. Il est dit dans le verset de l'épreuve: dites si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez qui? Muhammad alayhi salatu wasalam. Dans ces cas-là, Allah il vous aimera et pardonnera vos péchés. Ça veut dire que si tu veux savoir qu'est-ce qu'il en est de ton amour pour Allah, tu dois regarder comment tu suis la sunna de son prophète alayhi salatu salam. Comment tu mets en application, comment tu le suis ce messager alayhi salatu salam. Parce que prétendre, tout un chacun peut prétendre aimer. Mais ce qui est recherché, c'est le fait d'être aimé. Le but, c'est le fait d'être aimé par Allah Azza wa Jal. C'est pas que moi je dis j'aime Allah ou j'aime son messager. C'est que je sois parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ça n'a aucun chemin. Il n'y a qu'un chemin pour y arriver, c'est suivre son messager, alayhi salatu wa sallam. La voie de la vérité, comme il a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Li wahidin kun wahidan fi wahidin ani sabil al-haqq wal-iman. العبد يحركه في الأشياء المحبة كما بين ذلك شيخ الإسلام في كتابه قاعدة في المحبة. Le serviteur, ce qui le fait bouger pour les choses, c'est son amour pour ces choses. Et ceci, Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahmatullah alayhi, l'a détaillé, décortiqué dans un livre qu'il appelait Qa'ida fil Mahabba, règle dans l'amour. La personne, quand il bouge pour quelque chose, c'est qu'il a un penchant pour cette chose. Il a un penchant pour la chose pour laquelle il bouge. إنما يحرك الناس في أحوالهم محبتهم. Ce qui fait bouger les gens dans leur situation, c'est leur amour. فإذا حب الإنسان الدار الآخرة تحرك إليها. Et quand l'être humain aime l'au-delà, il va bouger, il va faire les œuvres qui vont l'amener à l'au-delà. وإذا حب الدنيا تحرك لها. S'il aime ce bas monde, il va bouger pour ce bas monde. Regardez, ceux qui aiment le bas monde, comment ils font pour arriver. Des fois, ils y arrivent, des fois, ils n'y arrivent pas. فبقدر ما تكون المحبة في القلب عظيمة يكون التحرك إلى ما أحبه القلب. La situation, comment bouge la personne, va être par rapport à l'amour qu'il y a dans le cœur de la personne, par rapport à une situation, par rapport à un acte. Selon le degré d'amour que la personne va avoir pour un acte ou là pour une situation, c'est ce qui va faire son leitmotiv, son moteur, qui va le faire bouger pour cette chose. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَى الْعَبْدِ مِمَّا سِوَاهُمَا كانت حركات العبد بنفسه وببدنه وبجوارحه كانت في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كنت الله son messager عليه الصلاة والسلام sont ce que la personne aime le plus dans ce bas monde, bah les mouvements de la personne, que ce soit avec son corps, avec son cœur, avec ses membres, ben, ils vont être dans l'obéissance à Allah et dans le suivi de son messager alayhi salatu salam et dans l'obéissance à Muhammad alayhi salatu salam. Tout est relatif. Plus ton amour est grand d'Allah et de son messager, plus tu vas œuvrer. Plus cet amour diminue, plus évidemment que ton obéissance va diminuer. يقول الشيخ وتاني درجات تزكية النفس أن يكون العبد ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي. Et le deuxième degré, la deuxième étape du fait de purifier son nefs, c'est que la personne met en application les ordres d'Allah et s'abstient de ses interdits. هذا la deuxième étape. Le deuxième degré. يعني أن يحمل نفسه على طاعة الأمر على طاعة الواجبات وأن يباعد نفسه عن ارتكاب المنهيات. Ça veut dire que la personne doit s'imposer à lui-même le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Il se l'impose à lui-même. Il se l'impose à son nefs pour que sa nefs devient obéissante à Allah. Que c'est elle que son œuf soit guidé, que c'est pas elle qui guide. Il faut que les rênes soient dans les mains de la personne, non pas ton œuf qui te guide. Ce qui te guide, ce sont les ordres d'Allah. Ton être est soumis à Allah dans ce que tu dois faire et dans ce que tu dois délaisser, c'est par rapport à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire et de ce qu'il t'a interdit de faire. وإن لله جل وعلا أوامر وإن لله جل وعلا نواهي وإن طاعة الله عز وجل وتزكية النفس إنما هي باتباع الأمر واجتناب النهي وباب المنهيات عظيم وباب المأمورات عظيم إيه الله سبحانه وتعالى إلى دي زورد سغنو إنو زان تمي دي زورد الله سبحانه وتعالى نزا Il y a aussi des interdictions qu'il nous a fait. Donc il nous a ordonné de délaisser certaines choses, hein, ou de s'éloigner de certaines situations. Et le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal, le fait de purifier son nefs, se fait avec quoi? Avec le fait de suivre les ordres d'Allah. Hein? Et le fait de s'abstenir des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chapitre qui concerne les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala est un chapitre très grand dans notre religion. Et le chapitre de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est énorme aussi. Les deux, s'abstenir et faire, tout ceci, ce sont des chapitres énormes. C'est notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de mettre en application ce qu'il nous a dit selon nos capacités. Et le fait de s'abstenir de ce qu'il nous a interdit, c'est énorme, la religion, après l'islam. وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَابُ الْأَمْرِ أَعْظَمْ أَمْ بَابُ النَّهِ أَعْظَمْ Les hommes de science ont une divergence là-dessus. Est-ce que le chapitre des ordres est plus important ou là, le chapitre des interdictions qui est le plus important? فقال طائفة من أهل العلم إن باب النهي أعظم يعني إذا غشي العبد ما نهى الله جل وعلا عنه فإنه يكون معرضا للعقوبة ويكون في الفرة في الأمر الأعظم C'est une partie d'hommes de science ont dit le chapitre qui concerne les interdictions est beaucoup plus important car quand la personne tombe dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit celui-là il est exposé au châtiment d'Allah Et il aura négligé un ordre qui est énorme, qui est le fait de s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. واستدلوا على ذلك بفعل آدم عليه السلام حيث خالف النهي فكانت العقوبة بأن أخرج من دار الكرامة وأخرج من الجنة. Et ils ont pris comme preuve ceux qui ont pris cet avis-là ont pris comme preuve ce qui est arrivé à Adam عليه الصلاة qui a été en divergence avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le châtiment était qu'il a été sorti de la maison de l'honneur, de la maison de l'éternité, du paradis. والأوامر والنواهي عظيمان et les ordres d'Allah et les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont énormes. ولكن هل جانب الأمر أعظم أم جانب النهي أعظم Mais qu'est-ce qui est le plus important? Les ordres ou les interdictions? هل رجحان الحسنات أعظم أم رجحان ترك السيئات أعظم? Est-ce que qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que c'est les hasanat qui l'emportent? Ou ça c'est سيئات quand ils sont nombreuses qui l'emportent? C'est quoi le côté le plus important? هذا مما اختلف فيه أهل العلم. Cette situation là, les hommes de science sont en divergence dedans. وهذا وهذا ولا شك أن تحصيل تزكية النفس إنما يكون بامتثال الفرائض واجتناب النواهي. Et ce que nous devons nous retenir, comme il dit cher ici, c'est que purifier son nefs, il vient de quoi? Il vient du fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'abstenir des interdits d'Allah azza wa jalla. Voilà d'où ça vient la purification du nefs. Peu importe. Ça apporte pour nous rien, la divergence qu'il y a entre les hommes de science. C'est ce qui est énorme, ce qui est plus grave, les péchés ou les plus importants. Pour nous, ça ne change rien à la situation. Ce qui va purifier notre nefs, et ce qu'il nous a demandé, c'est d'être obéissant à Allah, de mettre en application ce qu'il nous a ordonné et de s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. قد يتساهل العبد مع نفسه يتساهل مع نفسه في ترك الفرائض يتساهل في ترك الواجبات يتساهل في غشيان بعض المنهيات وبعض المحرمات ولكن هذا يعقبه غصة في النفس ويعقبه سيئة أخرى فقد قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن له أن لها عنده أخوات وإذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات إن السيئة تجلب أختها والحسنة تجلب أختها. Lorsque le serviteur de Allah subhanahu wa ta'ala, il va être laxiste avec lui-même, va être souple un petit peu avec lui-même, il va délaisser certaines obligations d'Allah azza wa jalla. Il va être souple avec lui-même, il va délaisser certaines choses qui sont du domaine obligatoire. Et il va être souple avec lui-même, il va tomber dans certaines choses qui sont interdites. Mais après ça, il va vivre le calvaire intérieur. Mais au-delà de ce calvaire, s'il dépasse ce calvaire intérieur et ses remords intérieurs, il arrive aussi que le fait d'avoir franchi le pas, ça va l'amener vers une autre CIA et transgresser encore plus les lois d'Allah. C'est pour ça que le puiseur d'Allah alim, certains parmi eux disaient, quand ils voient un homme qui accomplit une mauvaise œuvre, qui fait du mal, sache qu'il a d'autres sœurs. Dans le mal, il a d'autres sœurs qui ont appelé ce mal à venir. Et quand tu vois quelqu'un œuvrer dans le bien, sache qu'il a d'autres sœurs. Que ce bien, il a d'autres frères et d'autres sœurs dans le bien. Parce que les actes sont comme l'effet de l'aimant. La personne, il commence avec une petite mauvaise œuvre qui va le traîner vers la grande mauvaise œuvre. Et ainsi de suite, une après l'autre. Ça dit, ça cumule, ce sont des sœurs qui vont s'appeler. L'une va appeler l'autre. Et Shaitan, il vient. Mais ce n'est pas grave. Innallaha ghafur rahim. Et ainsi de suite. Il va s'aventurer dans le mal. Il en est de même dans le hasanat. Le hasanat appelle sa sœur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas négliger le mal. N'importe quel, même s'il t'apparaît à tes yeux petit, il ne faut pas le négliger. Parce qu'il peut t'amener plus loin. Le fait d'avoir franchi le pas, d'avoir négligé cette petite mauvaise chose, ce mauvais acte, les conséquences vont être énormes. Et Shaitan va commencer à aller avec toi étape par étape. Il ne vient pas directement pour te mettre dans les grandes situations. Et dans la situation la plus énorme qui va te faire encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est petit à petit, lui il a le temps. Il n'est pas pressé. La moindre petite chose dans laquelle tu transgresses à Allah azza wa jal, il est content. Parce qu'il sait que de la moindre petite chose, il va arriver à la grande chose. Il faut juste qu'il te fasse, que tu franchisses le premier pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux mauvaises œuvres. Qu'il faut se maîtriser, maîtriser son ego. Et des fois, certains se plaignent parce qu'ils sont tombés dans des situations bizarres. Où ils ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Mais ça a commencé avec un regard, avec un clavier en face. Et il est arrivé dans un site où il ne fallait pas y aller. Et à regarder des images qu'il ne fallait pas y aller, ben ça l'a amené à autre chose. Et ça l'a amené des fois aller plus loin, à rester tout le temps, à revenir à ses claviers, et à aller dans ces jardins, et après aller à se retrouver dans des situations d'adultère à l'islam. Il faut faire très attention. Pas négliger. Ça commence avec un tout petit doigt qui appuie sur la souris. Et qui... Et après, ça va très très loin. Fais très attention. Ne dis pas que c'est juste un petit moment de regard sur certaines images. Déjà, ce petit moment de regard, c'est énorme. Parce que tu ne dois pas te rapprocher de l'adultère. Il y a des moyens qui vont t'amener à l'adultère. Donc déjà, ça, c'est une situation énorme. Et que beaucoup négligent. Ils croient que c'est rien. Qu'il est tout seul. Mais après, ils ont du remords. Ils n'ont pas... Beaucoup, Allah subhanahu wa ta'ala les a guéris. Ils se sont repentis, etc. Et d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala les guérissent. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ça devient une maladie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'avir. Faut rien négliger, frère en Allah, azza wa jal. C'est-à-dire là, il est une heure du matin, il n'y a personne, il n'y a rien. C'est le calme total. Mais Allah, il te voit. Là où tu es, que ce soit à 2h du matin, là, 3h. Non, tu ne lui échappes pas à Allah, azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu es en train de faire. Yaqul le shaykh. ولا شك الحسنة أن الحسنة تجلب الحسنة والسيئة تجلب سيئة وهذا يقود إلى ذاك. الشيخ de nous dire, il y a aucun mal que la bonne œuvre, الحسنة appelle sa sœur et entraîne vers une autre حسنة. Et que سيئة, la mauvaise œuvre, entraîne vers une autre, vers sa sœur, vers une autre mauvaise œuvre. Et l'une conduit vers l'autre. فإذا جاهد العبد نفسه في امتثال الأوامر وفي الابتعاد عن النواهي كان مزكيا لنفسه. ثم النوافل. النوافل في جوانب الأوامر والنوافل في جانب المنهيات، يعني ترك المكروهات، لأن ترك المكروه مستحب ولأن فعل النافلة مستحب. إن فعل النوافل في هذا وذاك مما يقرب إلى الخير. Il dit, حفظ الله تعالى, quand le serviteur d'Allah fait des efforts sur lui-même, en se soumettant aux ordres d'Allah Azza wa Jal, et en mettant en application النوافل, les surrogatoires, quand le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala fait des efforts sur lui-même en mettant les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et en s'éloignant des interdits, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit, celui-là, il est en train de purifier son nefs. Il purifie son nefs. Et après, il met en application nawafil, les surrogatoires. Il ramène les surrogatoires au niveau ce qui est ordonné. Et aussi, au niveau de nawafil, il s'abstient de ce qui est interdit. Délaisse qui est détestable. Car le fait de délaisser ce qui est détestable est préférable. Et tu as une récompense. Et le fait de mettre en application le surrogatoire, il est préférable. Et tu as la récompense. Et le fait de mettre en application les surrogatoires, que ce soit au niveau des ordres ou au niveau de l'interdiction, ceci te rapproche du bien. Ceci te conduit vers le bien et vers les situations de bien. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. Il est dit dans le hadith Qudsi rapporté par l'imam Bukhari رحمه الله تعالى, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je serai lui avec laquelle il entend. Ici, l'expression « je serai lui avec laquelle il entend », ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va faire que cette personne n'entend que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Hein? Ça ne veut pas dire que Allah il va être son lui. Là, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va orienter la personne au fait de ne pas entendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Il va l'éloigner de la chanson, il va l'éloigner de la médisance, il va l'éloigner de tout ce qui est mauvais. Tout ce qu'on écoute par ses oreilles qui est mauvais, il va l'en éloigner. Hein? Et il va l'accomplir dans le bien, c'est-à-dire son oreille, son oui, il va l'utiliser en quoi ? La lecture du Coran, le fait d'écouter le Coran, le fait d'écouter hein, les paroles des hommes de science, le fait d'écouter le bien, etc. Et il est dit dans le hadith, et je serai sa vie avec laquelle il voit. La même chose. C'est-à-dire que le regard de cette personne qui est aimée min Allah Azza wa Jal, ben ses sens, comme son oui, comme sa vue, vont être orientés vers les situations que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et il va faire que cette personne, son regard, ne tombera pas sur le haram. Hein? Ne tombera pas sur le haram. Il ne regardera pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit de regarder. Et que son regard va tomber que sur les situations et sur les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. La même chose pour sa main. Sa main, Allah subhanahu wa ta'ala aussi va faire que sa main ne s'utilise que dans les situations que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ce ne sera pas une main qui va voler. Ce ne sera pas une main qui va faire du mal à quelqu'un. Ce sera une main qui va, tout ce qu'il fera, il fera le bien avec. La même chose pour ses pieds. Allah subhanahu wa ta'ala va orienter la personne qu'avec ses pieds, il ira que vers les endroits que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ah, c'est ce qu'il en découle de ce hadith. C'est-à-dire la personne va être accomplie, min Allah azza wa jal, dans la voie du bien. Et il est dit dans le hadith, hein, que quand mon serviteur me demande quelque chose, je lui donnerai. Et s'il cherche protection auprès de moi, je le protégerai. Et je n'ai pas hésité dans quelque chose que je fais, sauf dans le fait de prendre l'âme du croyant. Parce que il déteste la mort, et moi je déteste de lui faire du mal. Ça lui a prévalu ça? Avec le fait d'avoir accompli d'abord les obligations, parce que c'est les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, et après d'avoir accompli les surrogatoires, et d'être éloigné de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, et d'avoir accompli ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, que ce soit vis-à-vis au niveau des obligations, parce que c'est la priorité, et okay, la chose qui lui a prévalu cet grand amour, c'est le fait d'avoir accompli beaucoup de surrogatoires, que ce soit au niveau de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. Yani, yaqul al-shaykh, كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث يعني يكون كنت مسددا له في سمعه فبي يسمع وبي يبصر فلا يسمع العبد إلا ما يحب الله ولا يبصر إلا ما يحب الله ولا يمشي إلا ما يحب الله ولا يعمل بيده إلا ما يحب الله جل وعلا هذا بعد أن يكون العبد آتيا بالنوافل بعد الفرائض. Et Cheikh de nous dire, ce hadith veut nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala il accomplit cette personne, que ce soit au niveau de son oui, au niveau de son regard, au niveau de ses mains, au niveau de l'utilisation de ses pieds, etc. Qu'avec tous ses membres, il va accomplir ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ceci arrive quand les serviteurs d'Allah Azza wa Jal a accompli les surrogatoires après les obligations. Les obligations passent en priorité après les surrogatoires. يقول الشيخ ولا شك أن أغلى ما عندك نفسك أغلى ما تملك هو هذه النفس خلق الإسلام وهذه النفس في حياة قصيرة هي هذه الحياة الدنيا، فإذا سعى العبد في تزكيتها كانت له السعادة في الحياة الآخرة. وقد قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذه الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الدار الأخرى. يلدي حفظه الله تعالى: يا وكان دوت que la plus chère des choses que tu as, c'est ton âme, ton nafs à l'islam. C'est la chose que tu possèdes le plus, qui est le plus cher, qui est ton nafs. C'est une vie très courte. C'est un laps de temps que tu vas passer. Cette nafs va passer un laps de temps très court dans cette vie. 20 ans, 30 ans, 50. Mouhim, il va arriver à sa fin n'importe comment. Quand l'être humain s'acharne et tient à la purification de son nefs, il va avoir la réjouissance et le bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Comme il est dit dans le verset, celui qui fait une bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, en étant croyant, nous allons le faire vivre une bonne vie. Ça veut dire la bonne vie dans ce bas monde. Il aura la bonne vie dans ce bas monde et dans le delà. Mais cette bonne vie va venir de quoi? Après avoir purifié son nefs, après avoir soumis son nefs à Allah et à son messager, après avoir fait les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée pour obtenir cette bonne vie dans ce bas monde avant le delà. يقول الشيخ: والدرجة الثالثة من درجات تزكية النفس أن يكون العبد محاسبا نفسه دائما ألا يغفل عنها. Le troisième degré au niveau du fait de purifier son nefs, c'est de faire le compte avec soi-même, toujours. Que tu ne sois pas insouciant. Fais des comptes avec toi-même. Combien nous sommes-nous négligents vis-à-vis des comptes avec nous-mêmes? Et chacun de nous doit, chacun se connaît, se poser la question: combien de fois il fait les comptes avec lui-même? Ou là, combien de fois il les a fait? Où sommes-nous? Parce que c'est l'un des moyens et l'un des degrés de purifier son nefs. Tu fais le compte avec elle. Est-ce qu'il a été soumis à Allah? Ou là, il ne l'a été pas? Hein? Est-ce qu'il a accompli ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut? Est-ce qu'il s'est abstenu de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit? Regardez une puiseur d'Allah alayhi. Des fois, certains se trouvaient sur un cheval ou là sur un mulet. Et le mulet, il trébuche, il ne le frappe même pas. Il le fait même tomber, il ne fait rien du tout. Il regarde lui qu'est-ce qu'il a, où il a été négligent vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ou vis-à-vis de la sunna de Muhammad alayhi salam. Il se prend à lui-même. Il compte, certains parmi eux disaient: quand ma femme me répond ou là un mot de travers vis-à-vis de moi, je ne me prends pas à elle, mais je regarde où j'étais négligent vis-à-vis de Allah azza wa jal. Regardez comment il faisait les comptes avec elle. Où sommes-nous de la voix de nos plusieurs d'Allah alayhi? Où sommes-nous de leur comportement et de leur façon? Parce que la voie de l'épuisem, il faut que ça soit une réalité dans notre vie. Il faut qu'on l'accomplisse dans notre vie, dans toutes les situations. ومحاسبة النفس خل الإسلام من أنواع التزكية لأن العبد إذا غفل عن نفسه فإنه يؤتى. Et le fait de faire les comptes avec soi-même, c'est l'un des moyens pour arriver à purifier son nefs. Parce que si tu laisses, tu négliges ton nefs, tu te fais avoir par ton nefs. Tu te fais avoir par toi-même. وَإِذَا تَرَكَ نَفْسَهُ وَهَوَاهَا فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ. Et quand il laisse son nefs suivre ses passions, il émet des souhaits devant Allah Azza wa Jal. Je vais faire bientôt. Il se fait avoir. Il croit qu'il est éternel dans ce bas monde. Et le temps passe devant lui. Il rentre dans cette grande porte d'Yel Tsuif, qui est énorme, qui est le fait de repousser tout le temps les bonnes œuvres, à plus tard, à plus tard. Et ça, c'est énorme. Et de mettre des souhaits comme ça, c'est énorme. Ça l'amène à sa perte, parce qu'il est en train de suivre son nefs. Hein? Par exemple, prends un exemple. Je veux commencer à apprendre l'arabe, mais attends. Hein? Attends que. Que la situation soit comme ça, que j'ai ça, que j'ai ça, que ça, il repousse. 6 mois passent, rien. 1 an passe, rien. 2 ans passent, rien. 3 ans passent, rien. Des fois, 10 ans, 15 ans passent, rien. L'aman est dissoué. C'est-à-dire que cette personne est guidée par lui-même, par ses passions. Et que ses passions sont neufs. Suit ses passions, il le guide là où il veut, dans les situations qu'elle, il trouve confortables. Parce qu'il est évident que c'est difficile d'apprendre l'arabe. Et c'est difficile quand, au début, à l'apprentissage, au début. Mais après, quand il voulut, toute chose est difficile au départ. Toute chose. Il n'y a pas une chose qui est facile au départ. Regardez combien de vous n'a pas de niveau, combien ils jouent au départ. Les claviers et les ordinateurs sont un casse-tête chinois pour eux, mais ils ont mis la tête dedans, le vouloir, la volonté. Maintenant, ils jouent avec comme des, hein, comme des billes. Hein, il faut non, tout avec. Un début, le début est toujours difficile. Mais ce qu'il y a, c'est que Shaitan joue très fort avec nous quand il s'agit de notre religion. Hein, il nous cartonne. Nous ne se rend pas compte. Et les années passent très vite. وهذا إنما يكون بالحزم. Mais le fait de purifier son nefs, de guider son nefs, ça se fait avec quoi? Avec la ferme résolution. Tu as décidé de faire une chose, retarde pas, fais. Parce que si tu la retardes dans l'islam, dis-toi bien qu'il va prendre le temps de quelque chose que tu devais, que tu allais faire dans le futur, si tu étais vivant. Donc ça veut dire qu'il y a encombrement de situation. Une quelque chose que tu devais faire maintenant, si tu la repousses à tout à l'heure, ça veut dire qu'il va encombrer le temps, qu'il va prendre le temps de quelque chose qui doit s'accomplir à ce moment-là. Et donc les tâches deviennent plus lourdes. Donc il est obligé que tu vas négliger quelque chose, que tu vas la mettre de côté. Et au niveau de notre neuf, ceci, il faut qu'on s'acharne à faire des comptes avec nous-mêmes. Et qu'on ne retarde pas. Attends, je vais faire des comptes à la fin de la semaine. Dis que tu as l'idée de faire des comptes avec nous, assois-toi. Fais le compte avec toi-même. Pour voir où t'en es de ton obéissance avec Allah. Où t'en es dans ton suivi de ton messager, alayhi salatu salam. يقول الشيخ وهذه أولى أنواع التعامل وهي التعامل مع النفس. Et le cheikh, il dit ça, c'est la priorité, la plus importante des façons de faire avec son nefs. La plus grande des façons et la priorité des priorités dans le comportement avec les autres, c'est de commencer d'abord avec soi. وَلَا شَكَّ أَنَّ أَعْظَمَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ مَعَهُ التَّعَامُلُ مَعَ نَفْسِكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ وَمَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَن تُحَمِّلَ هَذِهِ النَّفْسَ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْخَيْرِ وَعَلَى إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ وعلى التقرب إلى الله جل وعلا دائما وعلى أن تسعى في العبودية المختلفة في كل حالك وكل تقلباتك. Il dit, حفظه الله تعالى, il est évident que agir avec son nefs, il y a aucun doute que c'est la chose la plus obligatoire pour tout un chacun de nous. Cette nefs qui est en toi, qui fait ta vie, tu dois l'écraser et la soumettre à l'obéissance à Allah et à accomplir les actes sincèrement pour Allah Azza wa Jal et à l'obéissance à Allah. Et tu dois la soumettre aux actes et lui faire les actes qui vont te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu dois l'orienter dans le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de différentes façons. Les adorations sont diverses dans toute petite situation et dans tout ce que tu fais et dans ce que tu délaisses, que tu es obligé de délaisser parmi ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de délaisser, tu dois l'imposer à ton nefs. C'est la priorité à l'islam. An ya'ti al-qa'idatu al-thaniya wal-asl al-thani ta'amul al-mar'i ma'a walidayhi. La deuxième règle et le deuxième fondement, c'est le comportement de la personne avec ses parents. النوع الثاني من أنواع التعامل التعامل مع الوالدين والوالدين عظم الله جل وعلا حقهما وقد قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Et le deuxième fondement, comment être avec ses parents, le comportement que nous devons avoir vis-à-vis de nos parents. Les parents, leurs droits sont énormes dans l'islam et devant Allah Azza wa Jal. Il est dit dans certains versets, Allah a ordonné que tu lui réserves le culte exclusivement et que tu sois bon et bienfaisant avec tes parents. Remarque avec moi, dans les versets qui vont suivre, chaque fois qu'il y a l'ordre, une Allah de l'adorer, vient tout de suite après les parents. Ça te montre l'importance qu'ont les parents dans l'islam. Ton chevrin a ordonné que tu lui réserves le culte exclusivement et que tu sois bon et bienfaisant avec tes parents. Il compte l'un d'eux ou tous les deux arrivent à certain âge entre tes mains, tu ne dois même pas leur dire, leur faire du mal avec un mot ouf. Et combien si facile ce terme dans la jeunesse maintenant. Combien? Sinon combien ils lèvent la main ouf. Vous ne comprenez rien. Ouf, vous êtes dans notre âge. Hein? Et ceci est énorme. Le fait de dire ouf, c'est énorme. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a interdit. Et ne les secoue pas. Ne sois pas dur avec eux. Il ne leur dit que des paroles nobles et bonnes. Hein? Et sois soumis à eux. Et de la pitié pour tes parents. Et de l'amour pour tes parents. Et il est dit dans l'autre verset, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et adorez Allah et ne le faites pas d'associer. Et soyez bienfaisants avec vos parents. Adorez, soyez bienfaisants avec les parents. وَقَالَ سُبْحَانَهُ قُلْ تَعَالَ وَاتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il est dit dans notre verset, hein, venez que je vous récite ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce que votre souverain vous a interdit, c'est que vous ne le fassiez pas d'associé et que vous soyez bon avec vos parents. Ces versets doivent nous interpeller sur l'importance, comment se comporter avec nos parents. Hein? Et que c'est énorme le fait de ne pas être bon avec les parents. فقرن جل وعلا في آية كثيرة حق الوالدين بحقه. Combien de versets Allah subhanahu wa ta'ala associe tout de suite après son droit exclusif qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance aux parents et le droit des parents tout de suite après. قال العلماء إن حق الوالدين مقرون بحق الله جل وعلا. Les hommes de science ont dit que le droit des parents, hein, accompagne le droit d'Allah Azza wa Jal. ذلك من كان وفيا مع والديه مطيعا لهما فإنه يكون مطيعا لربه جل وعلا من باب أولى. Parce que celui qui est digne dans son comportement avec ses parents et qui obéissant à ses parents, il n'y a aucun doute qu'il va être obéissant à Allah Azza wa Jal. En priorité, il va être obéissant à Allah Azza wa Jal. لأن العبد إذا تذكر ما يجب للوالدين من الحق وفاء لهما وبرا لهما فلا أن يكون مطيعا لله عز وجل الذي لا يخلو العبد في حين من أحيائه من نعمة من نعم الله عز وجل حادثة من نعمة توجب الشكر لا شك أن ذلك من باب أولى. يلدي حفظه الله تعالى. que le fait que la personne soit obéissant à ses parents, digne dans son comportement avec ses parents. Il n'y a aucun doute que ceci découle du fait d'obéir à Allah Azza wa Jal en priorité. Car le serviteur se rappelle quoi? Les obligations vis-à-vis des parents. Ces obligations, il les a d'où? Les ordres d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Et donc, il va être dans son comportement digne, hein, de ce que lui dicte sa religion et des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, alayhi salatu wassalam. Il va être dévoué pour ses parents. Hein? Et dans ces cas-là, celui-là, il va être en priorité obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucun doute que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est comblé à chaque instant de sa vie de ses bienfaits. Chaque moment dans ta vie, à chaque instant, tu as un bienfait d'Allah Azza wa Jal qui implique que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est en priorité. Donc celui qui est obéissant à ses parents, ça découle de quoi? Du fait qu'il est obéissant déjà à Allah Azza wa Jal. Hein? Qu'il est obéissant à Allah Azza wa Jal. Et qu'il met en application les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a émis vis-à-vis de l'obéissance aux parents. ولذلكم قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضى يعني أمر ووصى كما فسره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وغيره قضى ووصى أمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Et il dit, Habibullah Ta'ala, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a décrété, Allah a ordonné le fait de lui réserver le culte exclusivement. Et qadha ici, ça veut dire ordonné, comme il l'a expliqué, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, nouarda, et d'autres, ordonné. Et l'ordre dans le verset, il est quoi? Que vous réservez le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et que vous soyez bon et bienfaisant avec les parents. وعظم حق الوالدين بقوله إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فحرم التأفيف وهذا من باب التنبيه على الأعلى فإن التنبيه على التأفيف كان التحريم لما هو أعلى من باب أولى من قياس الأولى أو من الدخول في دلالة اللفظ في محل اللفظ. Et il a dit après, les droits des parents sont énormes. Il est dit dans le verset. Ici, il arrive que l'un d'eux, la vieillesse, l'atteint, il est avec toi. Ou que les deux sont atteints par la vieillesse, ils sont avec toi. Tu ne dois pas leur dire ouf. Ce terme ouf. Et tu ne dois pas les secouer et d'être mauvais avec eux au niveau des paroles. Et il a interdit le fait d'afif, le fait de dire ouf. Cela, c'est quelque chose de minime, yak, à nos yeux. Il l'a interdit. Pour attirer notre attention sur que l'acte le plus grave et le plus gros est interdit. Parce qu'il a interdit quelque chose qui est minime, qui est fif, qui est le fait de dire ouf, ça veut dire que les frapper, ou la lever les mains, ou la faire quelque chose de plus grave que ouf, est plus interdit encore. Hein? Enfin, là, il a mis en priorité. C'est quoi plus dangereux, taper son père ou la dire ouf? Hein? Donc, le fait de le taper ou là, de lui faire du mal, etc., est encore plus grave que le fait de lui faire ouf. Donc, il est encore plus interdit. Il est compris dans l'expression utilisée dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est ouf. Qala jalla wa ala ba'daha, fala taqul lahuma uffin, wa la tanharahuma. Yani bil qawl, la taqul uff. Ou fil fi' la tanharahuma. Et il est dit dans le verset qui suit, ne leur dis pas ouf. au niveau de la parole, ça. Et au niveau des actes, ne sois pas mauvais dans tes actes avec eux. La tanharahuma. Ni au niveau de la parole, ni au niveau des actes. Wa qul lahuma qawlan karima. Et dis-leur, et dis-leur des paroles nobles et des bonnes paroles. Wa khfid lahuma janah ad-dull min ar-rahma. Hada fi bab al-af'al. Uquq al-walidayn min al-kaba'ir wal-mubiqat. كثيرة ومنها عقوق الوالدين. Et au niveau des actes, il faut que tu sois bon avec eux, sois doux avec tes parents à tous les niveaux, hein? Et le fait d'être désobéissant à ses parents, ça fait partie des péchés capitaux et ça fait partie des actes qui t'emmènent à ta perte. Ça fait partie de l'moubiqat qui t'emmène vers ta perte. Et parmi les choses qui amènent vers la perte de la personne, c'est le fait de désobéir aux parents. عقوق الوالدين. ومن الناس من يكون بارا بنفسه بارا بأهله بارا بأقاربه بارا بأصدقائه ولكن حاله مع والديه هي أسوأ الأحوال وهذا لا شك أنه مما هو من الكبائر. لأن عقوق الوالدين من الكبائر وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الوالدين من الكبائر. Et il y a des gens qui sont bons avec lui-même, qui sont bons avec eux-mêmes, sont bons avec leurs femmes, leurs enfants, sont bons avec leurs voisins et leurs proches, sont bons avec leurs amis. Mais leur situation avec leurs parents est la pire des situations. Il n'y a aucun doute que ceci est un péché capital. Car la désobéissance aux parents, عقوق الوالدين, fait partie des péchés capitaux. Et le Rasoul صلى الله عليه وسلم l'a cité parmi les péchés capitaux. Donc c'est énorme de négliger les droits des parents. فالتعامل مع الوالدين يجب أن يكون على وفق ما قضى الله جل وعلا به وقضى به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد محسنا معهما بالكلام محسنا معهما بالفعل. Le comportement avec les parents, il doit être comme l'a décrété Allah, comme l'a décrété son messager عليه الصلاة والسلام. Le serviteur doit être bon et bienfaisant vis-à-vis de ses parents, que ce soit au niveau des actes ou au niveau des paroles. قال عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل يعني اخفض لهما جناحك الذليل على وجه الرحمة. قال العلماء الجناح هو هنا هو جانب الإنسان يعني من اليد والرجل أو جانب أو الجوانب. ها إذنك il faut que tu sois bon avec tes parents et que tu aies de la clémence vis-à-vis de tes parents et que tu leur fasses dua ou Allah combler de ta clémence comme ils m'ont éduqué petit. Hein? Et que ton côté d'être humain, tu dois être bon vis-à-vis d'eux, que ce soit ce que tu fais avec tes mains, de les aider, de leur ramener des choses, de faire des pas pour aller vers eux, hein? Ou de les aider dans toutes les situations. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَخْفِدُ مِنَ الْوَالِدَيْنِ جَنَاحَ الدُّلِّ وَلَكِنَّ قَلْبَهُ مُنْطَوٍ عَلَى الْكِبْرِ قَلْبُهُ مُنْطَوٍ عَلَى عَدَمِ الطَّاعَةِ قَلْبُهُ مُنْطَوٍ عَلَى الْبُغْضِ. Et dans le fait que il faut que tu sois bon pour eux, dévoué pour eux, avec de la clémence, cela y est le fait d'attirer l'intention. Comme quoi certaines personnes sont dévouées avec les actes, mais leur cœur, ils les détestent. Leur cœur étant fermé, dans l'apparence, dans les actes, il est bon, il apparaît, mais son cœur est fermé sur le fait de les détester. Hein? واخفض لهما جناح الدل يعني جناحك الدليل من الرحمة لا على وجه الاستعلاء لا على وجه التكبير التكبر Donc il faut pas que tu sois orgueilleux devant tes parents. Il faut que tu sois modeste, hein? Dévoué devant tes parents, clément vis-à-vis de tes parents, et que tu ne sois pas, tu fais des choses en même temps l'orgueil t'habite, hein? Et que tu te prends mieux qu'eux, sans toi, sans eux, le bienfait revient à Allah Azza wa Jal, et ensuite eux, c'est le moyen que Allah Subhanahu wa Ta'ala a fait pour que tu existes. Et c'est eux qui t'ont éduqué, c'est eux qui t'ont élevé. Et sans eux, tu ne serais pas là. Bien sûr, la vie est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait que l'homme se marie avec la femme pour avoir des enfants et ainsi de suite. Ben, sans eux, tu ne serais pas là. Hein? La vie, il est Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a, si la sunna d'Allah fait qu'il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créé comme moyen. Hein? Donc il ne faut pas que tu sois orgueilleux vis-à-vis de tes parents. Et en plus de ça, quand tu es dévoué pour eux, quand tu fais des choses pour eux, quand tu vas les visiter, quand tout ça, tu continues à leur faire dua. Ô souverain, couvre-les de ta miséricorde comme ils m'ont éduqué petit. وَهَذِهِ الْآيَاتِ مِنَ الْآيَاتِ مِمَّا تَنْقَطِعُ مَعَهُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُعَظِّمُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Et ce genre de verset fait partie de ces versets qui doivent ramollir le cœur des croyants quand ils les entendent. Par vénération à Allah Azza wa Jal et par vénération des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلماء تجب طاعة الوالدين في المعروف ومعنى ذلك أن العبد إذا أمر يعني أمره الله جل وعلا بأمر هو له فرض عين فإن طاعة الله هنا مقدمة على طاعة الوالدين. Les hommes de science disent qu'il est obligatoire d'obéir aux parents dans le bien. On ne leur obéit pas dans la désobéissance à Allah Azza wa Jalla, loin de là. Cela veut dire que le serviteur, il lui a été ordonné. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné quelque chose qui fait partie des obligations individuelles, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala passe avant l'obéissance aux parents. أما فيما كان في غير فرض العين وتمثيل فرض العين مثل حضور الجمعة وحضور الجماعات والجهاد الذي هو فرض عين ومثل طلب العلم الواجب والسفر له ونحو ذلك من فرائض الأعيان فهذا ليس لهما طاعة فيه فإذا منعاه من الحج الواجب مثلا الذي هو فرض عين عليك ليس لهما طاعة فيه. Il dit حفظه الله تعالى quant aux situations et aux actes qui ne font pas partie des obligations individuelles, il a dit le fait de leur obéir et de leur désobéir. Le fait de leur obéir, c'est dans l'obéissance à Allah. Et quand il nous ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, dans des actes qui sont du domaine des obligations individuelles, il n'y a pas d'obéissance aux parents dans ce cas-là. Et il dit, les hommes de science donnent comme exemple à ceci les obligations obligatoires et qui sont à tout individu, c'est le fait d'aller à Salat al-Jumu'ah. Le fait d'assister aux prières en groupe, le fait d'assister ou d'aller au jihad qui est un jihad obligatoire au niveau de chaque individu. L'obligation individuelle. Dans ces cas-là, quand il s'agit d'une obligation individuelle, il n'y a plus d'obéissance aux parents. Parce que l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, passe avant tout. Hein? Il ne va pas te dire, toi, dans ton esprit, que le jihad y a partout. Coupe ça, cours. Pour que tu saches qu'un jihad est obligatoire individuellement, tu dois t'orienter vers les hommes de science. Et non pas vers les adeptes du prétendu jihad. Le jihad est une situation énorme. Quel est l'envoi des sons. tu ne dois pas le prendre de n'importe qui. Les règles du jihad, l'obligation du jihad et tout ce qui concerne ce sujet se prend des hommes de science dignes du nom à l'islam. Il ne se prend pas des minus et de n'importe qui monte sur un minbar. Loin de là. Hein? Ceci est très énorme. Parce qu'il en va du son. Il en va de beaucoup de choses. Et combien certains, pour les problèmes des monstres de leurs femmes, quand ils sont dans le pèlerinage, ils reviennent vers les hommes de science. Alors qu'il s'agit que du sang du monstre, au niveau de certains actes, il revient vers les hommes de science. Qu'est-ce qu'il en est de sang de toute une communauté des innocents? C'est encore plus obligatoire de revenir vers les hommes de science et de ne pas le prendre de n'importe qui. Ni, hein, des roms d'Yeltkfiriyin et les protéines des djihadistes sur le paltok. Loin de là! Les hommes de science dignes du nom, les grands hommes de science qui connaissent la réalité de la communauté et l'actualité comme il se doit. Et non pas ces perturbateurs qui prêchent le prétendu jihad et qui sont toujours là à vivre avec les rémis et avec les bourses que donnent les pays d'Europe. Puis si jihad il y a partout, pourquoi vous restez là vous? Ça fait 10 ans qu'on vous entend, ça fait 15 ans, ça fait 13 ans, ça fait 3 ans. Pourquoi vous restez là, vous? Pourquoi vous excitez les jeunes? Pourquoi vous remplissez les jeunes d'ambiguïté et vous restez là, Thomas, à vous remplir les poches et à être confortable dans vos fauteuils et dans vos babouches? Hein? Pourquoi vous n'y allez pas? Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam al-afiyah. Le sujet, tout un sujet qui concerne la communauté, qui concerne beaucoup d'hommes, on doit revenir aux hommes de science dignes du nom à l'islam. On ne revient pas aux théoriciens de groupe, ni à ce qu'ils appellent les penseurs, ni aux chefs de groupe. Loin de là, on revient aux hommes de science. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé dans le Coran, « Fas'alou ahla al-zikri in kuntum la ta'lamoun »« Fas'alou ahla al-ilmi in kuntum la ta'lamoun » Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de s'orienter vers eux. Demandez aux hommes de science comme vous ne savez pas. Hein, d'accord, l'islam, te fais pas avoir par ces beaux parleurs. Si jihad il y a, par-ci, par-là, à droite et à gauche, pour qu'est-ce qu'il fait à rester là? Hein? C'est le sommet. Hein? C'est la base de l'islam, le jihad. Ben pourquoi toi tu es là? Pourquoi tu restes dans le pays de mécréance? Et tu laisses quelque chose de très important? Réfléchissez. 7 ans il est devant toi. 10 ans il est devant toi. C'est toujours le même discours. Et pourquoi? Pourquoi il n'y va pas? Pourquoi il jette que des ambiguïtés dans l'esprit de la jeunesse? Hein? Parce qu'il veut faire de la jeunesse des chairs à canon. Hein? Et lui, il est préservé. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam al-afiyah. Donc, et aussi, il dit parmi l'exemple des obligations obligatoires à tout individu, c'est la demande de science obligatoire. Et le fait de voyager vers le fait de chercher cette science obligatoire, il n'y a pas à obéir aux parents. Et ainsi de suite, parmi les obligations qui sont obligatoires à tout un chacun. Les obligations individuelles. Fahada. Hein? Là, pour tout ce qui est obligation individuelle et obligatoire pour tout un chacun, il n'y a pas d'obéissance à qui que ce soit. Hein? Si les parents l'interdisent au fait d'aller accomplir son pèlerinage qui est obligatoire pour lui, il ne leur obéit pas. Hein? كذلك إذا منعه من أداء الصلاة جماعة فليس لهما طاعة في ذلك. Aussi s'ils lui interdisent d'aller prier la prière obligatoire dans le groupe, il n'a pas à leur obéir. كذلك إذا منعه من أداء الجهاد المتعين ليس لهما طاعة في ذلك. Et même s'ils lui interdisent le fait d'aller vers un jihad qui est obligatoire individuellement. Et je reviens encore là-dessus, ceci, l'obligation d'un jihad, on ne la prend pas 10 minutes d'internet. Mais à ceux qui montent sur le manbar, c'est pas parce que quelqu'un monte sur le manbar, ça y est, il doit y mettre des fatwas dans les grandes situations de la communauté, loin de la akhal islam. Ce genre de situation qu'il jihad et autres, qui concerne toute une communauté, revient vers les hommes de science, dignes du nom. Pas à les théoriciens de groupe. Hein? Les Qardawi et autres du Jama'at al-Ikhwan, on ne revient pas vers eux, vers les problèmes qui concernent la communauté. Hadou, on sait qu'ils sont dans un islam politique. Mais on revient vers les hommes de science qui respectent la voix de leur puiseur d'Allah alim. Et leur verdict correspond à la voie sur laquelle étaient les puiseurs d'Allah. Et qui calculent l'intérêt de la communauté où il est. Hein? Allez, oh! Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh en fait partie. Cheikh Abdelmoussel Abad, il en fait partie. Cheikh Obaid Al-Jabiri, il en fait partie. Hein? Cheikh Rabi', il en fait partie. Cheikh Al-Fawzan, il en fait partie. Il a listé longue, il y en a. Hein? Cheikh Mohamed Bazmoul et d'autres. Il y en a. On va dire qu'il n'y a pas. Ils remplissent leur devoir comme il se doit. Seulement, ils ne remplissent pas leur devoir comme le veulent les hizbi, les sectaires. Là. Ils remplissent leur devoir comme Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Hein? Ceux-là, ils ne dénigrent pas en public les gouverneurs des pays de l'islam. Et ils ne décrètent pas comme ça, n'importe comment, le jihad par-ci ou par-là. Là, ceux-là, ils calculent les situations. Ils voient l'intérêt de la communauté où il est. Ils voient la situation de la communauté. Hein? Alhamdoulilah, nous sommes encore dans une période où il y a encore certains des hommes de science qui respectent la voix de leur puiseur d'Allah alayhi. Hein? Au Yémen, en Arabie Saoudite, même l'école du hadith en Inde et dans d'autres régions du monde. Hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala préserve les hommes de science. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre religion. Hein? لكن يقول الشيخ إن منعاه من حج نفل أو من جهاد نفل أو منعاه من صلاة نفل أو نحو ذلك وجب عليه أن يطيعهما. Mais il dit, Cheikh Hafidah Allah Ta'ala, si maintenant ils lui interdisent fait d'aller à un pèlerinage surrogatoire ou un jihad surrogatoire qui n'est pas du domaine de l'obligation individuelle, ou lui interdisent une prière surrogatoire ou autre, mais il est obligatoire pour lui de le obéir. Il est obligatoire pour lui de le obéir. Hein? وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. S'ils font des efforts sur toi pour que tu me fasses un associé et que tu m'associes à quelque chose que tu ne connais pas, tu ne leur obéis pas. Hein? S'ils t'appellent à l'associationnisme, il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance. وقال جل وعلا في الآية الأخرى وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. Il dit dans notre verset, s'ils font des efforts sur toi pour que tu me fasses un associé, hein, et que tu me fasses associer quelque chose que tu ne connais pas, ne leur obéis pas. Mais sois un bon compagnon avec eux et suis la voie de ceux qui reviennent vers moi, ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, tu as des parents gars maintenant. Ce verset, les hommes de science, ils le prennent pour les parents mécréants. Tu es dévoué pour eux. Tu leur obéis dans l'obéissance à Allah. Tu les aides dans tout ce qui est illicite, etc. Et tu es bon avec eux. Hein? Mais tu ne les suis pas dans les choses qui transgressent ta religion. Va me faire les courses, j'y vais. Mais à la liste du vin blanc et du vin noir, je ne ramène pas. Ça, mon père, je ne pourrais pas. Maman, ça, je ne pourrais pas. Ma religion me l'interdit. Mais le reste, je vais le faire. Ramène-moi avec toi la malle barrée. Et le papier a roulé. Non, maman, ça, je ne pourrais pas. Ma religion me l'interdit. Mais le reste, je vais aller te chercher le pain. Je vais aller te chercher l'eau. Je vais aller te chercher ta lessive. Je vais aller prendre ton linge. Je vais aller le laver. Je vais aller le repasser. Je vais le ramener. Pas de problème. D'accord ? Même s'ils sont mécréants. Aucun problème. Parce que c'est tes parents. Et peut-être en agissant ainsi, et que tu leur fasses du hak, Allah subhanahu wa ta'ala, il les guide comme il t'a guidé. Et combien de nos frères convertis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient à l'origine de la conversion de toute leur famille. Et j'en connais. Vous connaissez notre frère Haïti ? Sa mère, sa soeur, tout le monde. Son père, c'est pas encore ça, mais il l'aide dans sa da'wa. Et il le défend devant les mécréants. Il leur dit, il est sûr la vérité, la voix. Devant les mécréants, il le défend. Il défend la voix d'il s'élève devant les mécréants. Mais sa mère, sa soeur, tous s'éteignent. Pourquoi ? C'est le savoir-faire. Dua, fait d'avoir eu le temps de leur présenter l'islam, de s'y prendre au moment où il faut. Il est évident quand ils sont dans leur fête, etc., ils s'en préparent. Hein? L'ambiance de la soirée, etc., viens pas leur parler. C'est pas le moment, Akhal Islam. Mais tu choisis le moment adéquat où tu vas pouvoir faire passer le message à ton père, mécréant, ou à ta mère, mécréant, pour pouvoir le guider. Et demande à Allah, Azzawajal, d'ouvrir son cœur, etc. Hein? قال الإمام أحمد رحمه الله يطيع الوالدين ولو كان فاسقين لأن حقهما ليس لأجل صلاحهما ولكن لأجل أنهما والدان. Regardez la compréhension du puiseur d'Allah. Dit رحمه الله, il obéit aux parents même s'ils sont pervers, c'est-à-dire fasiq. Ils n'obéissent pas à Allah parce que leur droit, c'est pas pour leur piété. Leur droit, c'est le fait qu'ils soient tes parents. Ça, ça devient leur droit. L'origine de leur droit, c'est qu'ils sont tes parents. Et non pas pour leur bonté ou là pour leur droiture. Non, Akhal Islam. Mais évidemment, l'obéissance aux parents qui sont pervers, etc., il est dans l'obéissance à Allah et pas dans la désobéissance à Allah. Il m'ordonne de raser la barbe, je ne le ferai pas. La sœur, son père, hein, ou là sa mère lui ordonne de délaisser, hein, le hijab, ben, il ne le fait pas. C'est une désobéissance à Allah. L'obéissance à Allah passe avant, avant l'obéissance aux parents. يقول الإمام أحمد والله جل وعلا أمر بطاعة الوالدين حتى ولو كان الوالدين مشركين وهذه الآية آية لقمان في سعد بن وقاص رضي الله عنه مع أمه في القصة المعروفة قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وهذا عام في كل المسلمين يعني أن يطيع المسلم والديه سواء كان بارين أو كان فاجرين بارين أو فاجرين إمام أحمد بن دير الله جل وعلا a ordonné le fait d'obéir aux parents même si les parents sont associateurs. Et le verset dans Sourate Luqman, il concerne la cause de la révélation, c'est Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Sa mère était mécréante avant, hein? Dans cette histoire qui est connue. Et le verset est descendu, s'ils font des efforts sur toi de commettre, d'associer à Allah, Azzawajal, ne leur obéis pas. Ta mère voulait se donner la mort en s'abstenant de manger, etc., en faisant des grèves de la faim. Tu vois, les grèves de la faim, c'est pas nouveau, hein. La période pré-islamique, les gens de la période pré-islamique connaissaient les grèves de la faim. Hein? Enfin. Et donc, ce verset, il concerne tous les musulmans. C'est-à-dire que le musulman doit obéir à ses parents, qu'ils soient des parents pervers ou des parents qui sont dans la religion ou là qui sont obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe. Et leur obéissance, c'est dans l'obéissance à Allah azza wa jal. Parce que ce droit, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné en tant que parents. Et non pas en tant que des gens du bien. Là, en tant que parents, ils ont ce droit-là. يقول الشيخ وأحيانا يكون الوالد متسلطا على الولد يكون الوالد غير معامل للولد بالحسنى يفضل عليه إخوانه يفضل عليه بعض الناس يفضل بعض الأبعدين على أولاده ويرى الولد ذلك وربما يغيظ هذا مما يجب على الولد ألا يحكم رغباته ألا يحكم أهواءه في هذه المسألة بل ينظر إلى حق الوالدين من جهة أن الله جل وعلا هو الذي فرض حقهما. Et cherche d'attirer notre attention sur certaines situations. Il dit certaines fois, certains pères sont mauvais avec certains garçons de leur fils. Qui est bon avec eux? Le garçon, il est dévoué, il est bien avec ses parents. Mais il voit que son père a la préférence pour d'autres frères. Il voit que son père préfère à lui d'autres personnes qui sont en dehors de la famille. Il voit que son père préfère des personnes qui sont lointains à la famille et plus loin que ses enfants. Et l'enfant regarde ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'instaure, une certaine haine qui va s'installer dans son cœur. Et là, Chéril dit, là, il faut faire très attention. Il ne faut pas que tes passions te commandent. Il ne faut pas que tes passions te commandent à ce niveau-là. Et tu regardes que le droit de tes parents, tu le regardes du côté d'Allah. C'est-à-dire, Allah, il te l'a imposé. Allah, il a fait obligatoire leur droit. Tu dois t'en acquitter. Parce que si tu y prépares le fait, ouais, pourquoi mon père, il préfère ma sœur? Pourquoi mon père, il préfère comme ça? Fais très attention, c'est une épreuve dans laquelle tu dois passer. Et tu ne dois pas regarder, dans ces cas-là, ce n'est pas ton œuvre ce que tu dois faire, mettre en avant, ni tes passions. Tu mets en avant le droit d'Allah, l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui t'a ordonné d'être bon avec eux. C'est ça que tu dois mettre en avant, pour ne pas te faire avoir. كذلك مما يجب الحديث عن هذا الأمر أمر مهم وهو مما يجب أن نتعلم أخوة الإسلام كيف نتعامل مع الوالدين يعني ما الأحكام الشرعية التي للوالدين ما حكم طاعتهما ما تفصل أحكام طاعتهما donc c'est une situation frère en Allah عز وجل que nous devons maîtriser. C'est quoi les droits de nos parents? C'est quoi le détail de notre obéissance à nos parents? C'est quoi les lois classes? Qu'est-ce qu'il a légiféré à Allah Azza wa Jal? Et qu'est-ce qu'il y a dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam? Il en est de même. كذلك هذا الأمر يجب أن نتعلم كذلك أمر الزواج أمر الطلاق hein? أمر الزواج وطاعة الوالدين في هذا الأمر أمر الطلاق وما ما هو كيف يكون موقفنا من طاعة الوالدين طاعة الوالدة وهل طاعة الوالد هي المقدمة أم طاعة الوالدة هي المقدمة وهذا لا بد أن نطلبه وأن نعيه وأن نفهمه من الله عز وجل aussi quand il s'agit que de ton mariage. Situation énorme, c'est une. Avant que ce soit la liaison, toi, une femme, c'est une liaison aussi d'une famille, indirectement. Et aussi au niveau du divorce. Comment, dans ces cas-là, nous devons être vis-à-vis notre obéissance à nos parents dans le, pour le mariage, pour le divorce? Comment ça? Comment ça? Comment? Comment il faut l'accomplir? Et à quel niveau? Et qu'est-ce que nous devons mettre en avant dans ces situations-là? L'obéissance au père? L'obéissance à la mère. tout ceci, ça fait partie des choses, frère en Allah Azza wa Jalla, que nous devons apprendre quand on arrive à la situation du mariage, de regarder pour ne pas créer de problèmes et pour ne pas démarrer un mariage sur une mauvaise situation. Hein? Parce qu'après, ils font décoller. Tes parents sont les grands-parents de tes enfants. Hein? Et l'entretien de la relation de familiale est obligatoire. Il faut bien... Il ne faut pas être pressé. Ce n'est pas une situation qui demande le fait d'être pressé. C'est une situation qui demande, hein, une maturité. Combien de frères maintenant le regrettent? Ils ont fait à la va-vite. Ils n'ont pas compris. Et maintenant, ils regrettent. Ils ont deux, je connais certains frères. Ils ont deux enfants. Et le père, hein, clash, toujours, il ne veut plus les voir. Même si la mère a accepté, etc. et tout, ben le père, il ne veut plus. Et des fois, c'est le père qui accepte de revoir le fils et de voir ses enfants. Et c'est la mère qui n'accepte pas. Mais avant de tomber dans ce genre de situation, il faut réfléchir et mûrir l'idée de notre mariage et l'union avec telle ou telle personne, etc. Il est évident que des fois, nos parents sont tutus, butés sur certaines idées, et ils mettent en avant le nationalisme, le sectarisme, et j'en passe. Mais après, il vaut mieux que tu retardes jusqu'à le convaincre que tu tombes dans la situation où ta relation est coupée avec eux. On n'est pas d'accord avec eux dans leur sectarisme, dans leur tribalisme, dans leur nationalisme. Mais il faut voir plus loin. D'accord ? Il faut voir plus loin. Comment tu vas être coupé de tes parents ? Ils ne veulent plus te voir. Ils te ferment la porte. Tes enfants ne seront pas vus par leurs grands-parents. Et ainsi de suite. Hein? Et tu essaies d'utiliser les personnes adéquates pour aller les convaincre. Les personnes qui sont influentes sur ton père, les personnes qui sont influentes sur ta mère, et ainsi de suite, jusqu'à arriver. Même si tu dois patienter un peu, tu patientes. Et celui qui va être gagnant dans la patience, c'est toi, Akhal Islam. C'est toi. كذلك النوع الثالث من التعامل تعامل الرجل مع زوجته. Et la quatrième règle, le quatrième fondement, c'est le comportement du mari vis-à-vis de sa femme. Et combien nous avons besoin de connaître les droits de nos femmes et combien nos sœurs ont besoin de connaître les droits de leur mari. Allah Jalla wa Ala awjaba ala ar-rajuli mithla ma awjaba ala al-mar'a. فقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وجعل الله جل وعلا حق الرجل مقدما ولكن جعل للمرأة من الحق كما للرجل من الحق وقد قال جل وعلا في هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجات كثيرا. Donc ce troisième fondement et cette troisième règle qui est le fait de comprendre le comportement et comment se comporter avec l'homme, avec la femme. Allah Azza wa Jal a fait des obligations aux hommes vis-à-vis des femmes. Il a fait des obligations aux femmes vis-à-vis des hommes. Et les deux côtés doivent s'acquitter de leurs obligations. Il est dit dans le verset... Ils ont l'équivalent de ce qui leur est obligatoire au niveau du bien. Et les hommes ont des degrés plus qu'elles. Cette préférence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a donnée. Mais ça ne veut pas dire que l'homme doit se prendre pour le macho et écraser la femme. A'udhu billah. Il doit s'acquitter des droits de sa femme, comme il se doit, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, comme lui a ordonné son messager alayhi salatu wassalam. Et comment a été le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses? Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le droit de l'homme, il est en avant par rapport au droit de la femme. Ça, c'est la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est obligé de l'accepter. notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il faut l'accepter. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que la femme a des droits comme l'homme a des droits. Et il est dit dans ce verset qu'il vient de citer cher, hein, qu'ils ont au niveau des droits la même chose que les gens. Au niveau du bien et des droits, ils ont la même chose, les mêmes droits. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné beaucoup de choses et beaucoup de droits, de s'acquitter de beaucoup de droits vis-à-vis de nos femmes. فمن الناس من يتزوج ولا يتعلم أحكام معاشرة الزوجة كيف يخاطبها كيف يطلب منها. Il fait partie des gens. C'est pour ça que beaucoup sont dans des problèmes maintenant. Pourquoi? Parce que avant de se marier, ils n'ont pas compris comment il faut être avec sa femme, comment il faut se comporter avec elle, comment il faut s'adresser à sa femme. C'est quoi l'obligation de la femme de laquelle il doit s'acquitter? إنما يعاملها بمحض هواه يعاملها بحسب رغباته وطارة بحسب رجولته وبحسب قوته ولا يأتي بما يجب عليه شرعا لا يتعلم أحكام الشرع في مسائل العشرة والتعامل مع الزوجات. Il dit, حفظه الله تعالى, ceci est énorme quand tu entends les plaintes des deux côtés, hein, ils sont énormes. Il faut des plaintes qui déchire le cœur de savoir que parmi nos frères sont dans telle situation dans leur comportement avec leurs femmes, où les sœurs agissent de telle manière avec nos frères, etc. C'est honteux des fois. C'est très honteux et très mal. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris du mariage et des droits du mari et des droits de la femme. Les deux côtés n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris de la voix du puiseur d'Allah. Ils n'ont rien compris de la sunna du prophète vis-à-vis des femmes. Certains se comportent avec elles selon ses passions, selon ses désirs. Et des fois, ils se comportent avec elles du côté du macho, la force. Hein? Je suis l'homme. C'est à moi qu'on revient tout. Hein? Il ne s'acquitte pas de ce qui est obligatoire pour lui et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire pour lui au niveau de la ushra et de la vie dans le couple, une vie de comportement à avoir avec la femme et avec ses femmes selon la plusieurs. C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'afi. Tout ceci, c'est quoi? L'ignorance. Et d'être imbu de soi. Et ça revient à quoi? Au premier fondement, qui est le fait de quoi? D'écraser son nefs, de purifier son nefs et de soumettre son nefs à la loi d'Allah, et non pas que son nefs suit ses passions. Vous voyez que tout est lié. وما أحسن اسمع تريد منهج سلفك الصالح فاسمع اسمع لسلفك الصالح وهذا من رؤوسهم رضي الله عنه وأرضاه وهو ترجمان القرآن اسمع ما أحسن قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن هذه الآية حينما قال في قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال إني لأحب أن أستنظف كل حقي على امرأتي حتى لا يجب لها مثل الذي وجب عليها وأيضا كان يأمر بالتزين تزين الرجل لزوجته. Écoute, frère en Allah Azza wa Jal, l'un de tes puiseurs d'Allah alayhim, l'un des grands exégètes dit le Coran, il est un des hommes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de la compréhension saine de cette religion, puisque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait du'a, et le du'a du prophète alayhi wa sallam est exaucé min Allah Azza wa Jal. Et il a dit, tu veux suivre la voie du Tipizel Erdouallah Alim, hada, c'est un emblème aussi du Tipizel Erdouallah Alim. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhumah. Il a dit concernant le verset, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, etc. Il a dit, je préfère m'acquitter des droits vis-à-vis de ma femme. M'acquitte. Et je préfère aussi l'alléger de ses droits pour qu'il ne soit pas obligatoire, hein, pour elle. Ce qui est pour que pour lui alléger la situation aussi. Il allège la situation de sa femme au niveau de quoi? Au niveau des droits vis-à-vis de lui. Et il ordonnait aussi le fait de s'embellir. Il ordonnait aux hommes de s'embellir pour leur femme. Il ordonnait aux hommes de s'embellir pour leur femme. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فإذا كان الرجل يطلب من زوجته أن تتزين له وأن تقطع الروائح الكريهة وأن تكون معه بالحسنى فكذلك هو يجب عليه أن يعاملها بما أوجب الله عليه. Il disait, رضي الله تعالى عنه وارضاه, si ils ont les mêmes devoirs et les mêmes droits, donc l'homme, quand l'homme demande à la femme de s'embellir pour lui et d'utiliser le parfum, de se parfumer pour lui et d'être bonne pour lui et d'être belle pour lui, ben il lui demandait la même chose. Il lui demandait de s'acquitter des obligations que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour lui. C'est pour ça qu'il disait que lui, il s'embellissait à la rencontre de sa femme. Radwanullah alayh. Hada, ce sont les puiseurs d'Allah alayh. Ça, c'est les puiseurs d'Allah alayh. Il faut qu'on accomplisse la voie de les puiseurs d'Allah alayh. Dans tout, akhal islam. Dans tout. Pas tout simplement un côté. Et qu'on néglige les autres côtés. Là, tout. C'est un package complet dans lequel il faut rentrer. Au droulou officiel mikaf. Rentrer dans la religion complètement. Hein? انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته حين طالبناه بالنفقة قال لهن النبي عليه الصلاة والسلام قولا حسنا طيبا اعتزل نساءه مدة حكم الله جل وعلا في ذلك وأنزل في ذلك آيات من سورة الأحزاب وقاعد يمتنوا للسيتواسيون دو نوتر بروفيت عليه الصلاة والسلام avec ses femmes. Quand ses femmes lui ont demandé un surplus de subsistance au niveau des dépenses, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit des bonnes paroles et il les a délaissés un moment de temps, à laps de temps, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu la législation concernant les femmes du prophète alayhi wa sallam. Et les versets se trouvent dans sourate Al-Ahzab, le verset d'Ikoualisé. Il faut méditer la situation de ton prophète alayhi wa sallam. Il faut lire la biographie de ton prophète alayhi wa sallam. Il faut, quand tu veux te marier, tu regardes comment il était le prophète alayhi salatu wasalam avec ses femmes. Salawatu rabbi wa salamu alayhi, kana yaqul khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli wa kana fi khidmati ahli radi salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il disait sallallahu alayhi wa sallam alaykum salam wa rahmatullah, les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui sont mieux avec leurs femmes, leur famille. Et je suis le meilleur pour mes femmes et pour les miens. Et il était au service de sa famille. Il faisait du truc dans la maison. Il aidait dans la maison. Quand il entendait la danne, des fois il lâchait ce qu'il faisait et partait. C'est notre prophète, c'est notre modèle. Il faut qu'on relise la biographie du prophète alayhi salatu wasalam. Une lecture de celui qui veut mettre en application. Pas la lecture que nous avons appris dans l'école française et dans l'école de la laïcité, il était une fois. L'air à l'islam. Il était une fois, ça c'est avec Tata et Miloud. Avec le prophète, avec la biographie du prophète alayhi salatu wasalam, c'est une lecture de mise en application et de prise de leçon. Ainsi ça doit être. Enfin, إن تعامل الرجل مع زوجته في كثير من الأحيان يكون على وفق الهوى وعلى وفق رغبات الرجولة، ولكن من الناس من يحرص على أن يكون تعامله مع أهله على وفق المقتضى الشرعي، وهذا الذي يجب، وهو الذي أحببنا الإشارة إليه، لأن هذا النوع من التعامل مما يفقده الكثير. يدي حفظه الله تعالى le comportement de l'homme vis-à-vis de sa femme dans beaucoup de situations il suit les passions de l'homme, il suit les envies du machisme. Il dit, mais il y a beaucoup de personnes qui tiennent au fait de se comporter avec les leurs et avec leurs femmes selon la législation. Il a dit, c'est sur ce point-là que nous voulons attirer l'attention. On a attiré l'attention sur ce genre de comportement qu'il est géféré. Comment on doit être avec nos épouses au niveau de la législation d'Allah Azza wa Jal. في طرف آخر في التعامل مع الزوجات ظن آخرون أن الحسنى مع الزوجات وأن التعامل بالحسنى أن يترك للمرأة الحبل على الغابر وأن كل ما أرادته المرأة نفذه دون نظر هل هذا الذي طلبت منه مما يجوز ومما لا يجوز مما لها الحق ومما ليس لها الحق فيه هل هو مما يصلحها أو مما لا يصلحها هل لها في ذلك مصلحة أم لا ويتساهل في ذلك حتى صار النساء يتصرفن وكأنهن رجال. De l'autre côté, il y a une situation qui n'est pas louable, qui fait face à celle de se comporter comme un macho avec sa femme et de mettre en avant dans le comportement avec la femme ses passions. Elle faute où l'homme est négligent. Quoique le fait de se comporter bien avec la femme, il lui laisse la liberté totale à faire ce que veut la femme. Il lui laisse la situation entre les mains. Tout ce que la femme veut, il l'accomplit. Sans regarder est-ce que c'est permis ou là c'est pas permis. Sans regarder est-ce que la femme a le droit à ça ou là elle n'a pas le droit. Et sans regarder est-ce que ça c'est bien pour elle ou là il n'est pas bien pour elle. Et est-ce que dans ça il y a un intérêt pour elle ou il n'y a pas. Et il est souple dans la situation et négligent jusqu'à tel point que les femmes sont devenues des hommes et à prendre la situation des hommes. Et ceci, il est évident que ça, c'est l'autre situation extrême qui n'a pas à avoir lieu. On est entre deux situations. La dureté d'un côté et faire prévaloir ses passions et son machisme et ses forces d'homme, et de l'autre côté, carrément s'effacer en tant qu'homme. On n'a pas à agir ainsi. On a à prendre le juste milieu. Qui est le fait de quoi? D'agir comme le veut Allah. Comme nous l'a dicté Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils étaient le plus heureux d'Allah alayhi avec leurs femmes. Voilà ce qu'il nous est demandé. Ni pencher à droite dans l'une des extrêmes, ni dans l'autre extrême. يقول الشيخ لا شك أنهن صورتان متناقضتان. Il dit, il n'y a aucun doute que ces deux images et ces deux extrêmes sont en contradiction. صورة الذي يقسو, l'image et le côté et l'aspect de celui qui est dur avec sa femme. والصورة الثانية التي يترك الرجل فيها للمرأة الحبل على الغابر وكأن المرأة صارت هي الرجل. Et la deuxième image, c'est la situation dans laquelle l'homme laisse toute la situation libre, la liberté totale à la femme. Où la femme devient un homme dans ces cas-là. Et les deux situations sont mauvaises. La dureté, ou le fait d'être laxiste complètement, de lui donner tout dans les mains. يقول الشيخ حفظه الله وجماع ذلك بل ميزانه وضابطه أن يسعى المرء أن يكون مع زوجه على وفق مقتضى الشرع. Il dit حفظه الله تعالى la réunion de tout ça. Et la balance de tout ça. C'est que la personne, et ce qui va régler tout ça, c'est que la personne s'acharne et tient au fait d'être avec sa femme comme le veut la législation. والله جل وعلا أمر للنساء بالحق وكذلك أمر للرجال بالحق. الله سبحانه وتعالى أوردوني de s'acquitter des ordres vis-à-vis de la femme, des droits de la femme. Et il a ordonné aussi que les femmes s'acquittent des droits des hommes. Et aux deux, il a fait des droits. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه في حياته أن أوصى بالنساء وكان في خطبته يوم عرفة في خطبته العظيمة التي ودع فيها الناس وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. إيه الرسول صلى الله عليه وسلم fait partie de ses derniers conseils et de ses derniers ordres au moment des pèlerinages où il a fait ses adieux à cette communauté dans cette énorme khutbah dans laquelle il fait ses adieux. Il a conseillé, faites attention aux femmes, soyez bons avec les femmes car ils sont des prisonnières chez vous, ils sont des prisonnières chez vous. Ça veut dire que tu ne dois pas être dur avec elle, mais que tu dois être laxiste avec elle. Mais tu dois être agir avec elle selon la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois te comporter comme le dicte la législation et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, nous allons arrêter là, inshallah. On terminera tout à l'heure, bi'idnillah azza wa jal. Subhanakallahu wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم.